spécial pour le podcast ne fonctionne pas. C'est pour ça que je struggle un peu avec la technologie. Donc on va faire trois podcasts aujourd'hui. Les autres. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Matière très importante. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine. Il y a cours. Mais c'est pas moi qui parle. Qui parlerait. Alors, la liste des noms, les points supplémentaires, c'est pour qui? Non. La semaine prochaine, on aura la visite de quelqu'un qui est un spécialiste média dans les stratégies de push sur les réseaux sociaux. Il travaille notamment pour une boîte qui s'appelle YouConnect. Il travaille pour L'Oréal, pour Perrier, pour vous et pour BMW. Et qui va nous expliquer un petit peu comment aujourd'hui on essaye de cibler les gens sur Facebook, sur Instagram, éventuellement sur Snapchat, et quelles sont les techniques d'achat aujourd'hui de ciblage. Il va nous raconter ça pendant 2 heures et rentrer un peu dans les outils aussi qui sont à disposition sur les réseaux sociaux. Et parce qu'il vient la semaine prochaine, je pense qu'aujourd'hui c'est important de faire un point un récapitulatif sur les médias de manière générale, un focus sur le type d'achat média quand on parle de campagne display ou de campagne de bannerie, et voir un peu qu'est-ce qui se pratique déjà. Vous avez déjà entendu parler du RTB? Ne me dites pas, c'est le concurrent de RTL. Real-time bidding, vous savez ce que c'est? On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de techniques d'achat online. Je vais regarder si... Donc aujourd'hui, Media Planning programmatique, on a déjà pas mal parlé de l'importance des algorithmes dans nos métiers de marketing, dans le Media Planning, dans le monde du Media Planning. Vous voyez ce que c'est le Media Planning ou pas du tout? Dans le monde des agences et de la com, vous avez des agences de création, qui développent des concepts, développent des campagnes et les idées. Et puis vous avez des agences des agences médias qui, elles, vont se charger de faire la stratégie média et qui vont également négocier l'achat d'espaces médias et qui, maintenant, ne sont pas que des paid, elles vont aussi rentrer sur de l'achat sur les réseaux sociaux. Ces deux métiers très complémentaires. Une agence média, en général, ne va pas venir développer un concept de communication. Elle va essentiellement s'intéresser à la cible qu'on veut toucher. Elle va prendre le budget de l'annonceur et elle va essayer d'aller chercher les médias les plus performants pour pouvoir remplir les objectifs de la communication et placer la création sur ces médias. Et donc, on faisait appel avant à deux sortes de personnes dans les agences médias. On a les médias planeurs et on a les médias buyers. Les médias buyers sont ceux qui font la négociation avec les régies et les médias pour dire « je t'achète 25 et 30 télé, qu'est-ce que tu me fais comme prix? Et si je t'en achète 30, est-ce que tu me fais encore une réduction? Et c'est un annonceur qui n'est plus venu en télé depuis très longtemps, qu'est-ce que tu me fais? » Il faut que ça. C'est l'équivalent de la négociation et de l'optimisation de budget. C'est les médias buyers. Les médias planeurs, eux, sont plutôt dans l'aspect stratégique, la compréhension de la cible qu'on veut toucher. Et ils vont faire un plan média. C'est-à-dire que sur une année, quels sont les types de médias qu'on va acheter, on va pouvoir avec le budget se permettre combien de semaines en télévision, combien de semaines en radio, combien de semaines en print, et tout ça va être formulé avec des performances médias. On va aussi analyser l'effet de la campagne avec des outils existants. C'est pour votre culture, mais je dresse un peu le tableau. Dans les agences médias gèrent également la partie digitale, qui est de plus en plus importante. Mais pour pouvoir faire un petit peu de culture par rapport à ce qu'on appelle le paysage média, on va rentrer dans la réalité des chiffres belges et la réalité aujourd'hui du marketing. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le budget marketing, je ne parle pas de com, marketing d'un annonceur en Belgique, c'est une étude qui a été faite il y a 2-3 ans auprès d'une centaine d'annonceurs belges, 33% de son budget marketing va être alloué à APL. Vous voyez ce que c'est? Above the line. Vous verrez rien. Bon, avant, il y avait une manière de distinguer les métiers. Les métiers APL above the line, c'était tous les métiers publicitaires qui utilisaient des médias de masse, télévision, radio, print, affichage, cinéma, presse quotidienne. Et le BTL, c'est le below the line, c'était tous les métiers qui faisaient appel à des médias plutôt en one-to-one, en direct. L'emailing, le mailing papier, le bannering, etc. Ou les events, qui étaient remarquables, pas négatifs. Et donc on voit que le below the line prend quasi 40% du budget marketing d'un annonceur, le above un peu plus de 30%, et le digital surf aux alentours des 20%. Ça en France, c'est juste pour votre culture, je n'ai jamais demandé ça. Mais ce qui est intéressant, si on revient maintenant un focus sur la Belgique, au niveau du budget média que les annonceurs investissent de manière générale. Petit récapitulatif, Belgique, 11 millions d'habitants, 60% de la population en Flandre, 40% en Wallonie. On a une répartition de 49% d'hommes, 51% de femmes. Alors, ce qui est surtout intéressant par rapport à l'utilisation du média, ou des médias en général, si on regarde la courbe et qui est utilisée, qui a été analysée sur le total de la population qui a 18 ans et plus. Ça, c'est les courbes, donc on est ici sur de 6, avant 6h du matin, puis entre 6h, 6h30, jusque après minuit. On voit en fait que tous les médias qui sont présentés par les différentes courbes, mais il y a des grandes tendances. Quel que soit votre profil, on sait que la majorité de la population, le matin, va essentiellement consommer de la radio et du OOH, out of home, c'est tout ce qui est affichage. Alors on ne consomme pas volontairement, mais quand vous prenez le tram, le bus, la voiture pour vous rendre à l'UNIF ou au boulot, mais vous ne pouvez pas choisir, vous allez être confronté à minimum une centaine de panneaux d'affichage, même si vous ne les remarquez pas, votre inconscient les imprime. Et donc l'affichage est quand même un média important. Je pense que pour les jeunes, le digital est la première chose qu'on prend, moi aussi, qu'on prend en main, donc ça devrait arriver ici. On voit que pendant la journée, la radio continue à dominer parce qu'il y a énormément de consommation radio sur le lieu de travail et Internet, évidemment. Mais le soir, la radio à un certain moment, entre 16h30 et 18h30, il y a un pic parce qu'on retourne à la maison, donc on est à nouveau dans les embouteillages. Et qu'est-ce qu'on fait? On écoute la radio. Plus l'affichage, et puis le soir, c'est télévision, internet et les réseaux sociaux qui dominent largement la scène média. Pénétration d'internet au niveau de la population belge, 74%, parce qu'on a 81 ans de la population belge utilise internet. 62% déclarent l'avoir utilisé hier. Et si on regarde les investissements, vous avez une idée combien de... si on prend tous les annonceurs qui font de la pub en Belgique, sur tous les médias confondus, quel est l'investissement sur une année? Vous avez une idée? En moyenne, retenez, 3,7 milliards sont investis en publicité, dans le secteur de la pub, dans le média. En Belgique. Et on voit en fait, je vais vous montrer les chiffres 2015, que ça ne fluctue pas énormément, enfin ça augmente un petit peu, mais il y a aussi l'effet d'indexation. Mais ce sont des investissements bruts, là aussi je vais donner une petite explication. Il y a un institut qui s'occupe de répertorier les investissements publicitaires dans les différents médias. Ce ne sont pas des informations que cet institut reçoit de chaque annonceur. Ils ne vont pas sonner à la porte de Nestlé, de Danone, de Coca-Cola pour dire « Donnez-moi un peu votre plan média et les investissements exacts. » Non, non. Ils font de la pige. C'est-à-dire que tous les jours, ils prennent les journaux, Il regarde. Ah, il y a une annonce Renault d'une demi-page dans Le Soir. Hop, ils vont voir le tarif d'une demi-page dans Le Soir, qui va être de 3500 euros pour un passage. Et ils vont mettre ça dans la base de données. Ah, et ils sont passés aussi dans Vers l'Avenir en pleine page. Quel est le tarif d'une pleine page dans Vers l'Avenir? Et c'est des tarifs bruts. C'est-à-dire que c'est des tarifs non négociés et qui ne reflètent pas la négociation du média buyer avec le média ou la régie. Donc, c'est une approximation des tarifs moyens qui est donnée, mais qui permet de donner une tendance sur à la fois l'évolution des médias investis par les annonceurs, et deuxièmement, quand vous commencez à faire de la stratégie média, vous devez un peu vous poser la question, mais quel est l'historique de plan média de mon annonceur, et puis qu'est-ce que ses concurrents font. Et donc, cet outil vous donne une base de données où vous allez pouvoir voir sur les 12 mois de l'année précédente, même l'historique avant, tiens, les concurrents directs de mon client n'ont pas été en télé, ils ont été majoritairement en radio, ils ont fait de l'affichage, ils ont annoncé en été alors que nous, on n'était pas présents en été. Et donc, ça vous permet d'affiner, à certain moment, votre réflexion stratégique par rapport à votre client. Mais ce ne sont jamais des chiffres qui reflètent l'exacte réalité. Preuve en est, les tarifs bruts ou moyens qui sont donnés en affichage, par exemple, vous savez que quand vous commencez à négocier avec un vendeur d'affichage, JC Nouveau ou Clear Channel, vous commencez à du moins 30, du moins 40% par rapport au prix qui est avez affiché. Et puis parfois, vous avez jusqu'à du moins 70%. Et donc ça, ce n'est pas reflété dans ce genre de... Donc, progression, on a 3,7 milliards d'investissements, split entre les régions, mais 60% en Flandre, 40% en Wallonie, c'est le split de la population, en sachant qu'il y a quand même beaucoup plus d'investissements médias et que la richesse aussi du pays se trouve plus du côté de la Flandre que de la Wallonie. Donc si on voit les investissements depuis 98 en millions d'euros, mais là, en 2015, on a eu encore une augmentation, on est arrivé à 3,8 milliards de médias investis. Alors si je vous parle du split, pour nuancer un tout petit peu, cet institut n'a pas accès et ne peut pas faire de la pige par rapport au SEA, Search Engine Advertising, c'est tout ce que Google met en place quand vous achetez des mots-clés, on aura aussi un cours spécifique là-dessus. Ça ne prend pas en compte donc tout le commerce qui est fait avec Google, ça prend en compte exclusivement la partie display ads, donc les banners, mais ça ne prend pas en compte tous les achats de mots-clés sur Google. Donc si on regarde en 2015 sur les 3,8 milliards qui ont été investis par tous les annonceurs en Belgique, qu'est-ce qu'on va retrouver comme média dominant? La télévision avec 1,5 milliard. Et en fait, on se rend compte que d'année en année, si on prend l'historique depuis 2011, la télévision avec 41% de part de marché, 40% en 2012, 40% en 2013, et là j'ai pris les derniers chiffres de 2015, on est à 41% en 2012. Deuxième média, avec 20%, la presse quotidienne. Un bench sur deux, c'est lié encore à la presse quotidienne aujourd'hui. Troisième média, on est sur la radio. Quatrième média, les magazines. L'affichage, cinquième les magazines, et puis arrive Internet avec 5,6%, mais ce n'est pas un chiffre tout à fait réel, puisque je vous dis, ça ne prend en compte que la partie des banners. On dit en général que si on devait cumuler les investissements faits sur Google, on serait aux alentours des 10-15% investis dans un budget de campagne, ou plutôt un budget de communication sur une année. Et donc la télévision reste encore excessivement populaire auprès des annonceurs. Là aussi on va en reparler, ça c'est la courbe d'investissement en millions d'euros en digital au niveau du banner. On voit que ces dernières années, ça a fortement progressé. Et là, ça commence à chuter. Pourquoi ? D'une part, les banners ne sont plus aussi efficaces et le taux de clic, vous avez vu, on avait vu au dernier cours qu'on était à un taux de clic de 0,08% qui n'est vraiment pas énorme et qui continue à chuter. Il y a le phénomène de banner blindness, dont on reparlera également. On va parler de native advertising, où vous ne voyez plus les banners, c'est quelque chose qui vous pollue la visite d'un site. Et donc, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'investir sur du display simplement des banners, parce qu'on doit commencer à changer de formule et à investir plus. On se rend compte que quand on investit sur des mots-clés via Google, ben là, le return et le taux de clic est plus important que celui simple banner. Alors, cet institut nous permet également de voir le top 20, le top 10 des annonceurs. Donc, par exemple, Procter & Gamble, qui a énormément de produits et reste le champion de Belgique au niveau des investissements publicitaires, avec plus de 100 millions qui sont investis sur une année, Unilever en deux, en dessous des 100 millions, Bitrain prend quand même pas mal de voitures, soit Porsche, Audi, Seat, Skoda, EVW, c'est un gros annonceur, et puis bon, voilà, Coca-Cola, Nicole Roy, Proximus. Mais néanmoins, pour votre culture générale, si vous devez avoir faire un investissement pour une campagne moyenne qui va être en presse quotidienne pour une pleine page en quadrille dans une sélection de journaux de quotidiens pour toucher à la fois le côté francophone et à la fois le côté néerlandophone, ça va revenir à peu près à 155 000 euros. Ça veut dire une parution, un jour, une pleine page dans quasi l'ensemble des journaux payants en Belgique. Ouais, je ne sais pas où vous en êtes avec ça, mais ça veut dire qu'on va toucher 49%, à peu près 50% de la population des gens qui ont plus de 15 ans. Si on prend les magazines, on fait les magazines familiaux, magazines télé, news et sportifs. Ça va coûter pour, de nouveau, une seule parution en pleine page, 174 000 euros. Mais là, on ne va pas toucher 49%, on va toucher 71% de la population. Si on prend l'affichage, différents types d'affichage, mais l'affichage que vous connaissez le plus, ce sont les abribus de co. Là, 280 000 euros pour une semaine, pas un jour, une semaine de présence. Et on va toucher, là quand même, un paquet de gens, 78% de la population. La télévision, alors on pense que la télévision est toujours très très chère. Finalement, elle ne l'est pas autant. Si on veut être présent sur la 1, la 2, RTL, Club RTL, Plug et AB3, avec un spot de 30 secondes pendant à peu près un mois, on va toucher 75% de la population, ça va nous coûter 175 000 euros. Alors, si vous comparez, on est à peu près à la même chose qu'un investissement pour de l'affichage ou ce que je vais payer pour le magazine. Mais par contre, je ne vais pas avoir les mêmes outils au niveau créatif entre du print, que je vais juste feuilleter, et un spot de 30 secondes où il y a de l'audio, de l'émotion, des images qui bougent, pas tout à fait le même impact. Donc, de nouveau, c'est des choses dont on doit tenir compte quand on fait une stratégie médias. Et la radio, le cinéma, pas cher. Une semaine avec un 30 secondes, c'est 35 000 euros. Mais ça vous permet de toucher sur une semaine que 7% de la population. Et donc, si vous voulez faire une stratégie en disant le cinéma, c'est je fais tous ces jeunes et je vais toucher plein de gens, oui, mais alors il va falloir être longtemps présent au cinéma pour avoir une couverture suffisante. Vous avez des cours de base média? Non? Les GRP, vous n'avez jamais vu ce qu'était un GRP? Alors, passe au digital, et au niveau des banners, il y a plusieurs manières d'acheter de l'espace publicitaire via des banners. Il y a plus ou moins, enfin, il y en a plus, mais les trois grandes catégories d'achat sont celles-ci. L'achat au CPM, au CPC et au CPM. L'achat le plus utilisé depuis le début du banner, c'est le CPM. C'est le coût pour 1000, où en fait, on va acheter un espace et on va payer pour toucher 1000 personnes, 1000 visiteurs ou 1000 impressions. Pas des visiteurs uniques, mais 1000 impressions. Et peu importe le profil de la personne qui vient visiter, c'est une impression. Si la personne revient deux fois, ce sera une impression. Donc j'achète à un coût par paquet de 1000 impressions. Donc c'est un nombre d'impressions garanti sur des sites spécifiques. Je dis, je veux être absolument sur la home page du soir pendant les élections françaises parce que ma marque s'est périllée. Je veux absolument que mon banner soit présent là. Mais je vais acheter une audience. Et donc, je voudrais acheter 3000 ou 10 000 impressions. Et j'espère que dans ces 10 000 impressions, il y a X% de gens qui vont aller sur mon site parce que je crée un concours pour gagner des places en Thalys pour un week-end à Paris. L'autre manière d'acheter, c'est le CPC, le cost per click. Là, ça veut dire que le banner peut avoir beaucoup d'impressions, mais l'annonceur ne paye que quand le surfeur clique sur le banner. Donc vous allez peut-être avoir 1 million d'impressions, c'est pas pour ça que je vais payer, mais qu'à partir du moment où les gens commencent à cliquer parce qu'il y a un intérêt, que l'annonceur va payer. C'est-à-dire qu'en général, ça va me permettre d'affiner un petit peu la cible et de payer si la personne rencontre un intérêt par rapport à la création que je lui propose. Et le troisième, c'est le CPL, le cost per lead, où là on définit ce que c'est un lead. Est-ce que je veux que la personne aille sur le site et télécharge une brochure, demande de faire un essai, demande un échantillon, télécharge un coupon, prenne un rendez-vous avec un spécialiste, etc. etc. Donc il y a plein de leads que l'annonceur peut décider. Et on va traquer entre la personne qui a donc été sur le site du soir, il clique sur le banner, c'est pas pour ça que je paye, elle clique sur le banner et puis elle va aller sur le site et elle fait une action sur le site. Elle s'enregistre dans la base de données, elle demande le coupon, elle télécharge un document, etc. À ce moment-là, je vais payer. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord avec des régies qui disent, bon ben, vous voulez quoi, de nouveau dans le secteur automobile, vous voulez organiser plus de test drive pour un nouveau modèle. Nous, on peut vous garantir 150 leads, c'est-à-dire qu'on vous garantit sur une période de 2 mois, que 150 personnes vont s'inscrire pour faire un test drive sur votre site. Et ce sont donc les régies qui vont bombarder différents sites que je ne choisis pas pour s'assurer qu'on arrive au quota des 150 personnes. Donc c'est trois approches complètement différentes. Ça c'est une approche très publicitaire où au niveau du placement c'est très précis. Je décide où je veux être sur la page, je veux être au top, je veux être à droite, je veux être avec un IMU en plein milieu de la page, de la home page, je veux être avec une photo, je décide et je paye d'abord le prix, quasi le prix plein, j'ai une priorité sur l'inventaire et je démarre ma campagne à une date fixe et je décide quand ma campagne se termine. Ça c'est la stratégie CPM, j'achète donc pour 1000 impressions par 1000 impressions, des gens que je ne connais pas, mais en même temps, je choisis le contexte dans lequel je place mon banner. Le site du choix, je verrai, il y a un site de golf, d'amateur de golf, et je vais placer mes banners là, parce que je vais trouver une cible un peu upscale, etc. CPC, là on va être sur une sélection de sites que je ne peux pas choisir. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est que ces régies ont un inventaire d'emplacement de banners. Il n'est pas uniquement sur la homepage. Quand vous allez sur un banner, quand vous allez pardon, sur un site web, sur un site de news ou n'importe quel autre site qui vend de l'espace, vous allez parfois vous retrouver dans les catacombes d'une page qui n'est pas souvent fréquentée, mais où il y a un espace publicitaire qui est souvent invendu. Le run of site, c'est ça. C'est on va faire tourner les banners jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de clics parce que vous avez envie d'avoir un certain nombre de clics. On est sur des formats qui sont, et là on va livrer en fait 8 à 12 formats qui vont pouvoir tourner en même temps. On est sur un prix moyen. On est sur un inventaire donc essentiellement d'espace invendu. Et on peut déterminer une date de début et une date de fin. Mais par contre, je ne peux pas dire qu'il y a un jour que je veux être off. Et je veux être présent que la journée et pas la nuit. C'est impossible. Ça tourne jusqu'à ce qu'on atteigne le bon nombre de clics. Et le CPL, c'est encore la même approche, mais encore plus affinée. Où là, on est vraiment un peu partout, là où on va aller trouver mon lead. Et c'est là où on va rentrer peut-être un peu plus dans du real-time bidding, on va y venir après. On va avoir tous les formats disponibles, parfois même simplement des boutons sur des sites qui sont quasi inconnus. Et donc l'annonceur ne maîtrise plus l'endroit sur lequel il va placer son banner. Alors que là, je maîtrise complètement. Je veux sur des sites premium, je veux sur des sites news, Là, en CPL, je suis engagé, et la régie s'est engagée à fournir 150 test drives ou 2000 téléchargements d'une brochure online, mais c'est à la régie de gérer l'endroit sur lequel mes banners vont être visibles pour pouvoir atteindre cet objectif de lead. Ouais. Donc c'est très très différent comme approche, et il n'y en a pas une. Voilà. Celle-là est évidemment plus intéressante, mais on ne peut pas faire des campagnes où on va dire qu'on va faire que du lead. En général, aujourd'hui, dans la réalité d'un média planeur qui fait une campagne digitale, il va toujours faire un peu de CPM parce qu'on a besoin de donner de la visibilité. On est sur essentiellement de l'awareness, comme si c'était du billboarding, comme si c'était de l'affichage online. Là, c'est si on veut un peu plus affiner, et là, c'est si on veut faire de l'acquisition. Et faire du lead. Souvenez-vous, le funnel de conversion, au top du funnel, on va faire du CPM. Si on veut commencer à convertir, on va plutôt faire du CPM. Oui? Pourquoi est-ce que le CPL est moins cher que le CPM? Alors, le CPM. En fait, je vais toucher beaucoup. Je vais toucher beaucoup moins d'impression. Le CPL, mon banner va peut-être être vu par 6 millions de personnes. Mon banner sera vu par 6 millions de personnes. Mais je n'aurai généré que 150 leads. Donc, par rapport au nombre de gens qui auront potentiellement vu le banner, c'est moins cher. Je vais payer, en effet, 25 euros le lit ou 120 euros le lit dans certains cas, parce que c'est un test drive, c'est un achat. Mais in fine, 250 personnes x 120, ça me coûtera moins cher que d'essayer de toucher 3 millions de personnes. Donc en fait, quand on prend le ratio des impressions, bah, le coût de l'impression au CPL est moins cher. Mais une campagne CPL, le coût contact est plus cher, in fine. Mais ici, il n'y a pas de call to action, en fait. C'est difficilement comparable. y a pas de, on n'a pas d'action précise, c'est juste, on apparaît, et puis c'est tout. Et donc on paye par 1000 impressions, tandis que là, il peut y avoir peut-être 2000 impressions avant qu'on ait un livre. Donc on bénéficie quand même, l'avantage de ceci, c'est pas mieux, c'est que on a une forme de visibilité également, comme on l'a là, mais cette forme de visibilité ici n'est pas payante, je ne paye que à la conversion. Alors après, et ça c'est de nouveau, il y a plein d'autres manières de parler à cost per mille, c'est le CPM, on va parler de cost per day, cost per week, si on veut être sur un site pendant une période définie, imaginez que ce soit l'avant-première d'un film et on veut absolument faire le compte à rebours ou il y a un grand événement, voilà, on va acheter ça au cours de la journée. Le cost per view, c'est pour les pré-rolls, on va acheter un certain nombre de visions d'un trailer. Cost per click, on en a parlé, le cost per lead, ce sont les actions qu'on achète. Alors, qu'est-ce que ça coûte en moyenne? D'abord, on a vu les prix pour une campagne en télé, une campagne en affichage, en radio, etc. Une campagne moyenne en banner. Il faut compter entre 50 et 80 000 euros pour être présent pendant 6 mois, campagne, c'est une semaine. Là, on va être à peu près présent pendant un mois. Sur une campagne très courte d'une semaine, il faut 30 000 euros pour bien occuper le terrain du côté francophone et anglophone en display et en banner, en CPM. Et une grosse campagne qui va bombarder tous les sites et où on va matraquer un message, il faut compter entre 100 000 et 200 000 euros. Donc, le banner n'est pas si bon marché qu'on peut l'imaginer. On est quand même sur des budgets assez importants. Quand on compare avec des médias traditionnels, alors, il y a un truc, c'est que si la production de banner va coûter évidemment moins cher que la production d'un affichage de 2 mètres carrés ou 36 mètres carrés. Vous avez les coûts d'impression, vous avez les placements, qui ne sont pas compris dans les prix que je vous ai montrés, puisque c'est les prix uniquement du média. Entre 25 et 50% du budget alloué au digital passe maintenant vers du search engine et donc vers du Google AdWords. Et donc, si on a vu que aujourd'hui Internet c'était 5 à 6% de part de marché, la réalité des investissements, c'est qu'on est concrètement, comme je l'ai dit, plutôt à entre 10 et 15% de part de marché. Et le social, qui est quand même en croissance importante, ça va dépendre de la cible qu'on veut toucher. Vous savez, votre problème, on en parlera beaucoup plus, de manière plus approfondie la semaine prochaine. L'organic reach est passé en dessous de la barre des 10% aujourd'hui. Vous avez parlé de l'organic reach déjà sur Facebook ? Donc, on crée une communauté sur Facebook, vous avez des followers, et puis on s'imagine que dès que vous postez quelque chose, il y a quand même la majorité de vos followers qui vont voir votre message. C'est faux, puisque l'algorithme de Facebook s'est transformé de mois en mois et d'année en année pour faire en sorte que seulement aujourd'hui moins de 10% de la communauté qui suit une marque puisse réellement voir une pause. Pourquoi ? C'est pour que l'annonceur investisse dans du sponsoring de posts pour pousser les posts et donc les annonces. Et donc Facebook est devenu non plus un média communautaire gratuit, mais est devenu un média payant à part entière. Et pour toucher sa propre communauté, on a quand même dû payer pendant pas mal d'années pour aller les chercher. Mais aujourd'hui, pour leur parler, on doit également payer. Donc ce n'est pas Facebook. Un peu moins de 10% c'est du earn, le reste, on devra en toucher tout le monde, c'est du pay. à 20% aujourd'hui des budgets dans le budget global d'un annonceur, mais c'est en forte croissance aussi. Alors, le RTB, Real Time Bidding. Vous avez souvent entendu parler du programmatique. Donc avant, il y avait des médias planeurs dessinés des plans médias et des médias planeurs spécialisés en digital. Là, aujourd'hui, on rentre sur des métiers, sur des machines, on communique avec des machines pour acheter de l'espace en temps réel avec une mise aux enchères. On voit que le programmatique au niveau des banners, notamment au niveau du mobile, explose. On voit ici la proportion des budgets publicitaires qui sont dépensés, ou plutôt investis, en programmatique en Europe et aux États-Unis entre 2013 et 2016. Et on voit que donc, en 2013, seulement 7% du budget 7% du programmatique était investi dans plus de 50% du budget. Et que finalement, il y avait très peu d'annonceurs qui investissaient énormément dans le programmatique. C'était essentiellement en dessous des 10% du budget global en display qui était investi en programmatique. On voit que la tendance s'est renversée. Aujourd'hui, on a 50% des annonceurs qui investissent plus de 50% de leur budget en programmatique. Et donc le real-time bidding, je vais vous montrer deux, trois vidéos qui vont expliquer de manière plus approfondie. Mais c'est quoi le principe? Il y a aujourd'hui dans notre univers tellement de sites web qui reposent sur un business model qui est le business model publicitaire. Et il y a énormément de banners, d'espaces de banners qui restent complètement invendu. Il y a des emplacements qui sont préférentiels et qui sont toujours occupés, mais il y a plein de pages qui sont complètement pas non visitées. Elles sont visitées, mais les espaces restent soi-disant non intéressants parce que ne génèrent pas suffisamment de trafic. Donc quand on est dans une logique de je veux être sur les sites qui ont la plus grande audience, la plus forte audience pour être très visible, c'est intéressant. Mais si on se met dans une logique de targeting, où je veux aller toucher, je m'en fous de toucher 3000 personnes pour vendre des croquettes froliques. Moi, je veux toucher les gens qui ont un chien. Je m'en fous d'aller vendre du campette sur un banner si je ne touche pas une maman ou un jeune couple qui a un jeune enfant. Ça ne sert à rien de toucher quelqu'un qui a 60 ans, qui est sur Facebook et qui veut parler à son petit-fils. Donc, on est sur des logiques de targeting et le real-time bidding permet d'adresser à la fois cette envie de targeter la bonne personne sur des espaces publicitaires qui sont invendus et qui vont être achetés à des prix défiant toute concurrence par rapport à ce que j'achèterais en CPM. Donc, il a été mis en place un système de mise aux enchères entre les machines. L'inventaire des invendus, des banners invendus, des éditeurs, peste un peu, parce que quand vous êtes un éditeur de contenu, vous avez soit un site, soit, je parle du soir, de la DH, ça peut être n'importe quel site qui vend de la pub, donc bon, le business model repose sur le revenu publicitaire, mais ça l'arrangerait évidemment de pouvoir vendre la totalité de ces espaces plutôt que toujours les mêmes, les 3-4 mêmes pages. Ils ont commencé à vendre leur inventaire à des intermédiaires, et notamment Google a joué son rôle d'intermédiaire. Et il y a des bases de données qui existent, qui reprennent cet inventaire d'espaces publicitaires dédiés. Et grâce à la technologie des cookies, ces machines vont analyser en millisecondes quel est le profil du surfeur qui vient sur une page, pas forcément une home page, ça peut être un simple blog de cuisine qui est purement connu dans la région de Mons ou de Tournai, mais il y a quelqu'un qui est passionné de cuisine et qui va aller chercher une recette de cette blogueuse. Pas directement le truc auquel on penserait, mais par contre, pour un annonceur spécialisé en cuisine, imaginons que ce soit Tefal, c'est intéressant d'aller targeter les gens passionnés par les recettes de cuisine. Et il se fait que je veux donc aller chercher homme-femme entre 25 et 35 ans, passionné de cuisine. Et il y a une personne qui va voir le site de cette blogueuse à Tournai qui tient un blog de recettes de cuisine. Elle ne vend jamais ses banners, mais elle a mis ses banners à disposition dans des régies qui tiennent des inventaires. Et l'outil informatique permet d'analyser qui va aller sur le site de cette blogueuse. Et est-ce que, grâce au cookie qui me suit dans mes habitudes de surf, on va pouvoir repérer que je suis dans la bonne tranche d'âge et que ma passion est en effet la cuisine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans une vente aux enchères et l'espace publicitaire qui était un invendu jusque-là sur le site de la blogueuse de Tournai va être mis aux enchères face à une série d'annonceurs potentiels. Et de l'autre côté, on dit, nous, on est prêt à mettre 30 cents, 50 cents, 65 cents pour toucher une personne entre 25 et 35 ans qui est passionnée de cuisine et qui habite la Wallonie, par exemple. Ça, c'est les critères de sélection. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les systèmes qui vont communiquer entre eux, entre l'offre et la demande, vont créer cet espace automatisé de mise aux enchères. Et les systèmes vont dire, bon, il y a une personne qui vient visiter le site de cette blogueuse à Tournai, il y a un espace qui est libre, cet espace-là, c'est pour toucher un profil, et il y a trois annonceurs qui ont fait une mise aux enchères pour toucher ce profil-là. Quel est l'annonceur le plus offrant? Mais c'est celui qui a mis 65 cents pour toucher le profil de quelqu'un qui a entre 25 et 35 ans, passionné de cuisine, habitant la Wallonie, qui gagne. Et donc, hop, c'est son banner, sa création, qui est envoyée sur le site du blog de cette fille de Tournai qui écrit des recettes. Voilà, tu es. Donc tout ça devient complètement automatisé, c'est ce qu'on appelle le programmatic buying, et où ce n'est plus un média planeur et un média buyer qui se disent dans quel contexte est-ce qu'on va acheter le banner, et je pense qu'il faudrait être sur la page du soir parce que là on va toucher des gens qui ont un profil un peu éduqué. Ça existe encore, mais l'avenir c'est que quasi l'ensemble des achats se fassent via des machines qui sont programmées pour toucher le bon profil. Voyons, il y a quelques vidéos, on va aller de vidéos de plus en plus simples, de vidéos de plus en plus complexes qui vont expliquer la technologie derrière. He asked for programmatic real-time bidding for RTB. And that's the bit of programmatic that actually started things off. And I think it's worth taking a minute to explain what RTB, or real-time bidding, actually is. Traditionally, when you bought and sold media, you bought and sold blocks of impressions, thousands of impressions. So what happened is every visitor to, say, the Yahoo homepage saw the same ad, regardless of whether they were 50 years old and interested in luxury travel, or in their 20s and liked CrossFit. They all saw the same ad. Now what RTB does is it creates an auction environment where different marketers can bid to show a different ad to a specific user based on data about that user. As a result, now that 50-year-old interested in luxury travel might see an ad from the W Hotel and Air France, whilst the user in their 20s interested in CrossFit might see an ad from Nike and Sports Authority. In other words, RTB has the promise of delivering the right ad to the right person at the right time, because we can use data to do that. C'est un petit peu ce que je disais, c'est que 30% des banners sont aujourd'hui vendus, répertoriés dans un inventaire, mais ces 30% en moyenne restent invendus. Et donc c'est à partir de ce constat-là qu'on est venu avec cette technologie qui intéresse évidemment beaucoup aussi. problem. Traditional online display advertising is inefficient. For advertisers, the CPM model of buying impressions in bulk is lacking because you are purchasing impressions for the same price per unit, even though each one has a different value to your campaign. For publishers, traditional display is inefficient because up to 70% of their inventory is left unsold or sold for next to nothing. Further, for many small publishers, also known as long tail sites, there isn't a sales stream which can properly sell their quality, targeted inventory, leaving them wanting more from display. As you can see, display advertising needs a shakeup to provide more value to both advertisers and publishers. So what's the solution? Real-time bidding. What is real-time bidding? RTB allows display inventory to be purchased by the individual impression through a bidding system that unfolds in the milliseconds before a web page is loaded by a consumer. The targeting and cost efficiency opportunities presented by RTB are making it a revolutionary force in the online advertising landscape. How does RTB work? There are three prominent players in the RTB landscape. The demand side platform, known as the DSP. The DSP is a tool that automates the purchasing of online advertising on behalf of advertisers. Advertisers use DSPs to set the buying parameters of their campaigns and to monitor campaign performance. The publisher. The publisher provides the inventory. Originally, real-time bidding was only used on unsold remnant inventory. However, it is being increasingly used on premium inventory due to advertiser demand and the higher revenues it is yielding for publishers. Some publishers may use supply-side platforms, or SSPs, to help better manage and sell their inventory. The ad exchange. Ad exchanges are often compared to stock exchanges. However, an ad exchange is really a software tool that connects advertisers and publishers, facilitating the purchase of display inventory in real time through auctions that take place in the milliseconds before a page loads. It is through these auctions that publishers are able to maximize the price for their inventory, while advertisers are able to purchase individual impressions at prices that reflect each impression's value to the campaign. At its most basic form, the RTB process unfolds like this. 1. The publisher provides its inventory to an ad exchange, who is responsible for holding an auction during which the DSPs, on behalf of the advertisers, will place a bid on each impression. 2. The value of the bid is based on the value of that impression as determined by the advertiser's parameters with the DSP. The bidding process ensures that each impression is sold at a maximum price dictated by real-time market demand. 3. Once the bidding is completed, the winner is chosen and the ad is served on the publisher's website. What are the benefits of RTB? What are the benefits for agencies? Increased control over campaign performance. Increased spending efficiencies. Better results delivered for clients. What are the benefits for advertisers? Enhanced consumer targeting capabilities. More cost-effective reach and frequency. Near elimination of wasted impressions and ad dollars. What are the benefits for publishers? Delivers higher revenues on inventory through opening that inventory to a buying market designed to maximize the value of each individual impression. As you can see, real-time bidding presents some amazing benefits for both buyers and sellers of online display advertising. Are you taking advantage? Dans les moindres détails, ce qui est un DSP, un SSP. Demand side platform, sell side platform. Je vais remettre l'enregistrement. Donc, je disais pour maîtriser ce qu'est un DSP, un SSP, on va voir une petite vidéo qui est un petit peu plus explicative. Cette notion-là, quand même, je passe un petit peu de temps là-dessus, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point nos métiers, qui étaient à la base des métiers de stratège et puis de négociateur, sont aujourd'hui complètement dominés par la technologie, qui devient vraiment très pointue, et où on arrive, nous, humains, on ne sait même pas interagir. Que ces négociations et ces mises aux enchères se font en une fraction de seconde, en deux millièmes de seconde. Et donc, ça veut aussi. Elon Musk et pas mal d'autres scientifiques, et notamment Bill Gates, ancien de Microsoft, voient l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'explosion des algorithmes dans les différents métiers comme étant une menace potentielle sur l'évolution de nos sociétés. Parce que, depuis tous les. Je fais juste une petite minute de sociologie. Depuis la nuit des temps, la technologie a permis de faire avancer l'humanité, mais aussi remplacer les métiers. On a été essentiellement sur des métiers manuels et d'ouvriers. Aujourd'hui, les algorithmes commencent à remplacer les cerveaux dans les sociétés. Et donc, on peut se demander, est-ce que la vitesse à laquelle ce taux de remplacement est fait, comment est-ce qu'on va recaser les gens qui ont fait des études et qui vont se retrouver sans emploi parce que leur métier n'existera quasi plus, parce qu'il sera pris en main par des machines, par des algorithmes. On ne parle pas de robots avec des bras, on parle d'ordinateurs qui sont dans des systèmes qui vont permettre de négocier soit du media buying. Je vous ai parlé de la bourse, mais là c'est en effet, il y a aujourd'hui beaucoup de décisions d'achat et de vente d'actions qui sont faites par des machines. Et on va continuer à vivre ça. Donc, est-ce qu'on ne va pas augmenter le taux de chômage finalement avec des gens qui sont très qualifiés mais qui ne trouvent plus d'emploi parce que leur métier est en voie de disparition pour l'humain? Voilà. Du coup, est-ce qu'on va aller? Et est-ce que ces machines qui sont en train de développer des systèmes, là, je fais un petit preview de ce qu'on va voir. On aura un cours spécifique sur l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle version 2 aujourd'hui permet aux machines non pas simplement de répondre à des scénarios qui ont été inventés par l'humain, mais de développer des scénarios en fonction de la réaction d'autres machines et donc de complexifier les systèmes. Ça veut dire que d'ici peu, on pourrait se retrouver face à des machines qu'on va ne plus pouvoir contrôler parce qu'elles auront développé un système tellement complexe que l'être humain qui aura au départ développé des scénarios ne va plus du tout s'y retrouver. Et donc, j'ai déjà lu des notes de futurologues qui disent que l'avenir proche, je vais demander d'arrêter de parler, ça me très dérange. L'avenir proche, c'est d'ici 20 ans, on pourra se retrouver, nous en tant qu'humains, dans une nouvelle condition, c'est-à-dire qu'on fait travailler des machines qui développent des systèmes mais qui nous dépassent complètement et où finalement on devient un peu les animaux domestiques des machines qui vont réguler l'économie, la finance et vont finalement contrôler un peu l'humain. Alors, vision un petit peu alarmiste et je ne crois pas qu'on va aller jusque là, mais au niveau de l'intelligence artificielle, il y a quand même beaucoup de questionnements. Bon, revenons à des choses plus concrètes sur les B.A.B.A. de l'intelligence artificielle, ou en tout cas des programmatiques, qui n'est pas encore une intelligence artificielle, mais qui est une manière de faire parler des machines avec des machines pour pouvoir faire de l'achat. Voyons ça un peu plus en détail avec les deux vidéos qui sont plutôt bien foutues et très intéressantes. Hello, my name is Mark Dye, and I'm one of the co-founders of Bizum. When new folks join Bizum, they are usually overwhelmed by the crowded and complex industry of digital advertising. And on top of that, there are some in our industry that actually go out of their way to add to the confusion. But the truth is, it's really not that complicated. This is a picture that I've been drawing for the past couple of years to help new folks at Bizum understand the space. As I draw this picture for you over the next few minutes, I hope you find it as useful as we do. To understand the rapidly evolving world of digital advertising, it's important that we first understand the relationship between advertisers and publishers. What began as a simple, direct, two-party partnership between a buyer and a seller has evolved into a multi-tiered network of distribution and buying channels that at the end of the day is still just about buyers and sellers and how they transact. On one side of the board, we have advertisers over here, and their goal is to simply communicate with and ultimately influence their target audiences. On the other side of the equation, we have publishers over here, and their goal is to create compelling content that will attract an audience the advertiser is seeking to reach. This is basic advertising 101. Now, in a direct two-party transaction, we typically have an agency here that represents the advertiser and helps them communicate with their target audiences. They create media plans consisting of the right publishers that represent the right audience. Within those agencies, we have media planners. They work directly with publishers and their direct sales force to find the right audience and ultimately execute the media buy. But the internet created a unique challenge to this model. As online advertising evolved, an oversupply dilemma was created for both media planners, advertisers, and the publishers. The explosion of new and traditional web publishers created a supply of inventory that grew at a much faster rate than demand, and therefore could not be efficiently consumed by advertisers. As a result, it was not uncommon for 40 to 60% of publisher internet inventory to go unsold to advertisers. In direct response to this oversupply, another group known as ad networks quickly emerged. Dans le principe, les annonceurs ont besoin de communiquer envers une audience. L'audience, elle était initialement détenue par des médias, soit des médias, des journaux, des la télé, que des prix. Et donc, les publishers ont ce qu'on appelle des régies médias, des régies publicitaires, avec des commerciaux qui vont rencontrer les agences de pub ou les agences médias, et dire, regarde, notre journal a une audience fantastique, on a fait des études, ce sont des gens de classe sociale supérieure qui ont un revenu d'autant, etc. Et donc on valorisait l'audience pour attirer la publicité des annonceurs qui sont représentés par l'agence média et le média planeur. Et donc comme la vidéo l'expliquait, c'est qu'avec l'explosion du digital et du nombre de sites web, c'est qu'il y avait une duplication d'espace à disposition pour pouvoir toucher les audiences. Et également, donc, ça résultait en un nombre d'espaces totalement invendus. Ici, il annonçait entre 40 et 60%. On est souvent aux alentours des 70% d'espaces invendus. Et donc, la technologie, elle est arrivée avec ces third-party ad networks qui ont créé les inventaires. C'est là où on est dans l'explication de la vidéo. Ad networks aggregate the sense of inventory and categorized it in a way that could be easily consumed by media planners. Online media became classified as premium, that purchased directly from publishers, and that of remnant or unsold, inventory sold through ad networks. Ad networks became another independent source of online media for planners to include in their media plans. And the traditional direct two-party transaction now included a new third-party distribution partner called ad networks. While publishers focused on traditional content creation as the way to attract advertisers and audience members, a new group of technology companies formed called audience platforms or audience networks. This group worked with publishers, just as ad networks have, only they focused on the who, the audience, versus the what, the content. Just as ad networks had done for unsold inventory, the audience networks partnered with the publishing community to identify and target an audience. This audience was targeted based on a wide variety of data points, such as in-market for auto and travel, non-person identifiable demographics, such as household income, gender, or professional demographics, such as job type. C'est important que dans les métiers avant, on valorisait les caractéristiques d'un média, surtout le soir, mais on avait dit, bah, le site du soir est très attractif parce que de nouveau il attire des gens plus éduqués, essentiellement sur Bruxelles, la Wallonie, etc. Et donc on venait avec des profils sociodémo et on disait aux annonceurs, venez donc, si vous voulez toucher ce genre d'audience-là, venez investir dans des banners sur notre site. Et comme on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'invendus, ils ont commencé à ne plus avoir juste cette logique de vendre une audience. Ils ont commencé à dire, on va vendre par profil. Parce que sur une même page, je vais peut-être avoir quelqu'un qui, en effet, a un profil supérieur, revenu supérieur, etc. Mais peut-être que sur la même page, je vais avoir un autre visiteur et qui est un passionné de tennis ou un passionné de bateau ou quelqu'un qui adore voyager. Et donc, ce sont des audiences qui ne sont pas des audiences globalisées en fonction du profil ou du type du site. On va commencer à dire, dans cet espace-là, il y a une personne donc, qui est vue sur la page et qui va correspondre à un profil spécifique. Donc, on va commencer à vendre des profils plutôt que vendre une audience. What's in your way? And thus, these audience networks quickly created, at scale, the ability to target a specific audience, not based upon the content they were consuming, but upon specific interests and demographic attributes, regardless of the content. So to summarize so far, the development of the ad networks here and the audience platforms here gave media planners three distinct channels to access publisher inventory and audiences. They could buy premium inventory directly from publishers, they could buy remnant or unsold inventory categorized by an ad network, or they could buy audiences independent of content from an audience platform over here. So that's the close of part one. Hello, my name is Mark Dives, and I'm one of the co-founders of Bizdom. In the first chapter, we covered publisher direct, ad networks, and audience networks. In this chapter, we're going to cover the SSPs, the DSPs, and the agency trading desks. As these ad networks and audience platforms became well established, the publishers needed a way to manage who was gaining access to their inventory for resale to agencies and advertisers. This brings us to a group called SSPs, or supply-side platforms. Originally, the SSPs functioned as a technology layer between publishers and the ad networks working for the publisher to maximize the revenue brought in from the ad networks. The SSPs provided a way for publishers to gain control over how their inventory was being sold and delivered to ad networks. They also introduced the ability to create a bidding environment so that publishers could begin to extract higher value for their inventory. In theory, if a publisher, via their SSP partner, could expose the many specific attributes of a given impression simultaneously to multiple ad networks, a true market value could be established and the price of online inventory would rise. Concurrent with the development of the SSPs, who are focused on helping the publishers, another group of technology companies were forming to help the buyers, both the ad networks and the agencies. This group created what became known as DSPs, or demand-side platforms. So now we have yet another layer in the ecosystem designed to help buyers and sellers connect. The SSPs helping publishers and the DSPs helping the buyers. As SSPs and DSPs developed, they integrated their technology and created an infrastructure for buyers and sellers to perform programmatic buying in a real-time bidding environment, which became known as RTB or RTB exchange. So as the SSPs focused on the supply or the publishers, the DSPs focused on the demand or the buyers, and they created a programmatic way to buy and sell digital media. So now we have yet another independent source for the consumption of publisher inventory. As a result, media planners and agencies were challenged with managing multiple access points and models to access digital media. It was becoming clear to the leading digital agencies that RTB, or programmatic buying, required a new skill set to execute plans that included exchange inventory. These new skills relied much more on utilizing technology than traditional skills based upon personal experience and relationships. In reaction to this new skill set requirement, the agencies created the agency trading desk. The trading desk utilized the DSP technology to execute RTB buying. The trading desk gave the agencies a way to play the same media execution role as they always had done for their clients. And now they needed a new skill set within the agency to take advantage of the technology created by the DSPs and the SSPs. Media planners now had several independent sources from which to create their media plans. Publisher Direct for premium inventory, ad networks for scale, price, and inventory categorization, audience platforms for the who versus the what, and the SSPs via the DSPs for programmatic buying of both inventory and audiences. So in the end, the ad tech world is not really an infinite sea of boxes connecting to boxes connecting to boxes. It's really just an extension of the traditional two-party system of buyers and sellers. You just have to understand what's being sold, who's actually selling it, and how it's being consumed. Je vais vous dire un peu ce qu'il faut retenir. Donc, retenez ça par cœur. Énormément de sociétés aujourd'hui qui sont constituées, soit en régie, qui viennent avec des solutions de DSP ou de SSP. On ne va pas rentrer dans le détail. Comprenez juste la logique de la rencontre entre l'offre et la demande, c'est que aujourd'hui les inventaires d'invendus ont été répertoriés et que le SSP va permettre justement aux publishers, les advertisers et les publishers, de mettre en vente espace par espace les bannières, l'espace de bannière, dans une technique de mise aux enchères, mais qui va être en adéquation avec l'analyse du cookie, c'est quand même important, il ne le dit pas dans la vidéo, et donc de faire rencontrer un annonceur avec une audience, quelqu'un mais hyper targeté, qui est sur la page du site. C'est vraiment ce qui est, je pense, le plus important à retenir. Et puis, le Ad Exchange, ça c'est nouveau, des solutions de software qui font rencontrer l'offre et la demande et qui communiquent avec le DSP et le SSP, mais ça, c'est pas vraiment très important. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre la philosophie, la nouvelle philosophie d'achat en temps réel. Et comme on l'a dit dans une autre vidéo, le RTB, qui était à la base, qui a été inventé pour se débarrasser des invendus, est tellement performant qu'on commence à mettre du RTB également pour remplacer les achats de banners premium qui étaient à la base achetés en CPM. Et donc je pense que le CPM va être voué à disparaître d'ici quelques temps. Et avant d'aller prendre l'apéro et de noyer votre chagrin sur les terrasses. On parle de retargeting, remarketing. On retrouve quelques notions dans l'idée. Vous connaissez tous, vous avez tous subi le retargeting, remarketing. C'est une stratégie très importante dans l'optique d'acquisition et de génération de leads. Souvenez-vous le funnel de la semaine passée. Le retargeting nous permet instantanément de ramener les gens sur notre site. Bon. Donc, on part de quoi ? Ouais. Il n'y a que 2% des utilisateurs qui vont acheter directement sur un site. Alors, on parle ici de site e-commerce. On n'est pas forcément avec du retargeting que sur l'e-commerce, mais ça a commencé. Vous avez un site, vous vendez des choses online, vous vous investissez dans la pub via des banners, via les réseaux sociaux, pour amener les gens sur votre site e-commerce. Les gens commencent à regarder un petit peu, mais c'est très rare, dans 2% des cas seulement, que les gens achètent directement lors de leur première visite. Vous avez besoin de réfléchir, vous allez comparer, vous allez sortir, vous allez voir d'autres sites, etc. Ce qui était embêtant, c'est qu'auparavant, quand il n'y avait pas cette technique de retargeting, ben on espérait que vous alliez pouvoir revenir et on allait continuer à investir massivement en publicité online, très générique, CPM, pour espérer, avec le même message, pour espérer que vous reveniez. Là maintenant, dans une logique, bon, pour rendre la philosophie du CRM, on sait que vous êtes venu sur notre site, on sait quels produits et quelles informations vous avez été regardés, on sait éventuellement encore ce que vous avez été mettre dans le panier mais que vous n'avez pas acheté. Et en fonction de ça, quand vous êtes reparti dans la nature sur d'autres sites, on va aller vous retargeter avec un message spécifique. Ce sera un message qui va viser à vous re-ramener sur le site pour conclure l'achat. Ça, c'est le remarketing, retargeting. Et on va le faire un certain nombre de fois, c'est-à-dire que pour avoir ce qu'on appelle un capping de 1, 2, 3 messages. Capping, c'est mettre un couvercle, hein, c'est mettre un plafond aux répétitions de messages. Capping de 2 ou de 3, on va renvoyer maximum 3 banners et 3 messages à cette personne. Et si au bout de la troisième, la personne ne revient pas sur notre site pour acheter quelque chose, on l'abandonne. On ne va pas continuer à remonter. Oui. J'ai une question. Est-ce que le remarketing et le marketing sont dissimulés? Le remarketing, c'est une pratique. On va dire que c'est le chapeau, le retargeting. On va aller... écoute, oui, on va aller dissimuler. C'est parfois... Non, mais de nouveau, il y a plein d'experts qui vont te dire, non, mais pas exactement, mais... Retenez que c'est plus ou moins la même chose, c'est le fait d'aller rechercher, retargeter quelqu'un qui est venu sur mon site et essayer d'aller le rechercher. De nouveau, oui, dans l'univers du digital, vous allez voir que beaucoup de gens ont des définitions souvent qui fluctuent un petit peu, mais c'est des problèmes. Oui. Au niveau légal, quand on a pris, etc., il y a des discussions qui se font à propos de ça, mais... Oui, il y a beaucoup de discussions sur la protection de la vie privée, mais par contre, on n'interdit pas le retargeting parce que, d'abord, tu es le seul à être confronté au message. On ne dit pas des choses que tu serais venu visiter, donc d'autres personnes ne sont pas au courant. C'est une relation directe entre l'annonceur et le consommateur, certes dans un contexte d'un site qui n'a rien à voir et qui n'est pas le site de l'annonceur. Mais par contre, donc jusqu'à présent c'est légal. Il y a pas mal de gens qui se disent un peu ennuyés par ça, mais il y a aussi pas mal de gens qui disent mais je préfère voir ça que un autre truc qui m'ennuie. De nouveau, je parlais de ça sert à rien d'aller de parler des croquettes froliques si on n'a pas de chien, c'est très embêtant. Je préfère en effet voir une nouvelle technologie ou la dernière raquette de tennis de Wilson qui vient de jouer au tennis. Donc, mais la question de la vie privée, je ne vais pas l'aborder à ce cours-ci. Vous avez un cours d'éthique avec Jean-Jacques, j'espère. C'est vrai. L'année prochaine, déontologie, c'est l'année passée. Voilà. Si vous voulez, je peux au dernier cours faire un petit aparté là-dessus, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Il y a un cours, vous avez quoi? Prendre de l'info. Voilà. Il y avait d'autres questions? Si on supprime les cookies, ben je ne sais pas si on sait le faire, alors on sera plus retargeté. Non. Alors, les cookies, la limite des cookies, c'est que si vous changez de browser, logiquement, vous n'allez pas être retargeté. Si vous changez de plateforme, vous n'allez pas être retargeté. Vous surfez sur. Sur mon téléphone de l'ordinateur. Ouais. Ce n'est pas les mêmes cookies. Alors, évidemment, c'est très différent si vous vous êtes identifié sur un site. Donc, vous avez déjà acheté sur booking.com. Quand vous allez sur Booking, il vous reconnaît. Ou bien vous devez rentrer votre mot de passe et votre login, enfin votre login et votre mot de passe. Et là, si vous êtes sur votre desktop ou sur votre iPad ou smartphone, mais le site va enregistrer votre comportement. Donc là, on rentre dans du CRM. Ce n'est pas uniquement du cookie analytics. Mais oui, les cookies ont leur limite. Facebook, c'est tout vous, parce que dès que vous allez sur la page de Facebook, sur n'importe quelle plateforme, vous êtes identifié, c'est un login, il vous reconnaît, donc ça, c'est pas uniquement cookie. Donc, le retargeting permet d'aller reséduire, mais pas uniquement si vous n'avez pas acheté. On peut être en effet dans du product recall. Vous avez surfé, vous avez regardé l'écran télé sur hightech.com, vous ne l'avez pas acheté, vous êtes reparti dans la nature et oh, vous êtes sur le site du soir et qu'est-ce que je vois? Un banner qui en plus maintenant avec la technologie peut être automatiquement généré. On n'a plus besoin d'une agence qui fait le banner dans le bon format avec la bonne image. On livre une base de données avec toutes les images des écrans télé. On livre une batterie de headlines et de typos et de machin. Et le système va générer automatiquement la création en fonction de la personne qui vient voir et de son cookie analysé. Là aussi, là, par contre, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps avant de remplacer les créatives d'agence. Je pense que les robots ne sont pas encore prêts à faire de la création. Et par contre, ce genre de message hyper spécialisé, parce qu'on sait ce que vous êtes venu voir, ça ne sert pas à grand chose. Si la machine peut le faire automatiquement, c'est tant mieux, ça se fait également en temps réel. Donc je disais, le retargeting ne fonctionne pas uniquement parce que vous n'avez rien acheté, ça peut être une recommandation parce que vous avez acheté le téléviseur et on va vous proposer un écran pour votre ordinateur de la même marque. Ou un décodeur, ou un Blu-ray. Là, c'est cross-selling, c'est vous avez acheté quelque chose, on va vous retargeter, on va vous proposer un complément, un autre outil qui est en lien avec ce que vous avez acheté. Ou alors vous n'avez pas acheté, et plutôt que de vous balancer exactement le même produit, on va vous proposer des alternatives et on va les recommander. Et la première fois, on va vous redonner une recommandation, vous n'avez pas réagi. La deuxième fois, on va peut-être venir sur un témoignage de quelqu'un qui a acheté le même écran et qui dit « c'est génial, je suis super content ». Et la troisième fois, vous n'avez toujours pas cliqué, on va vous dire « cette semaine ou aujourd'hui, l'écran est à moins 10%. » Buy now. Donc tout ça, ça fait partie des logiques et de l'informatique. Et donc le digital nous permet d'augmenter l'efficacité du message. On n'est pas dans de la grande pub, je vous l'accorde. Mais quand on est sur des techniques de conversion, ça aide pas mal. Meet Sarah. She would like a new washer and dryer. Sarah searches for high-end home appliances. Finds qualityhome.com and visits their page on laundry machines. While looking at the appliances, her children call her away. Sarah forgets about Quality Home, but they don't forget about her. The next day, while searching for recipes, an ad for Quality Home appears in Sarah's sidebar, reminding Sarah that she wants a new washer and dryer. It's not a coincidence, it's retargeting. Retargeting is a gentle reminder, showing Sarah the retailer she looked for yesterday. When Sarah visited qualityhome.com, the website talked to her browser and shared a small piece of code. This code allows a website to provide a retargeting ad whenever space is available. From that point on, whichever website Sarah visits can have ads for Quality Home. Research states that only 2% of shoppers convert to customers on the first visit to a website. Retargeting advertisements bring the remaining 98% back into play by keeping your business top of mind. Whether checking email, shopping online, or finding the perfect vacation, retargeting advertisements remind consumers of your business and converts consumers from leads to customers. Visit propelmarketing.com to find out more about how retargeting can help your business. Don't let customers get away. Engage leads and see results today. Et alors pour terminer, voilà quelques stats. Un marketeur sur 5 a dédié un budget pour le retargeting. Le consommateur dit être trois fois plus tenté de cliquer sur un banner qui est du retargeting que sur un autre banner. Et notamment par rapport aux gens qui n'ont pas été en contact avec le site web auparavant. 60% une réaction assez neutre finalement par rapport au banner retargeté. C'est pas de l'ennui, ça ne fait pas très. En fait, ça devient très ennuyeux quand ça devient systématique et quand il y a énormément de répétitions. Ou alors, vous avez déjà vu l'exemple, Booking.com est un petit peu chiant à ce niveau-là. C'est, vous allez voir quelques hôtels et puis vous partez à Barcelone. Et puis vous revenez, vous avez encore. On vous rappelle qu'il y a des choses d'hôtel à Barcelone. Ça, je suis vraiment très pénible. Je suis pas encore tout à fait au point. Bon. 25% des gens qui achètent en ligne trouvent ça assez intéressant d'être retargeté. Ça, au niveau de l'efficacité, 400%, ça peut booster jusqu'à 400% la réponse des annonces. Je pense que on va rester là. C'était un petit peu des notions vieux. Donc, merci pour votre courage et passez une bonne soirée à la semaine prochaine.